Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire qui se terminera samedi par le forum L'année vue par l'Histoire avec 4 tables rondes et un grand entretien avec l'historien Sanjay Subramaniam. Si vous voulez vous y inscrire, franceculture.fr ou encore le 01 56 40 37 53, 01 56 40 37 53, c'est samedi à la Sorbonne à Paris. Et puisque nous allons rencontrer nos auditeurs samedi à la Sorbonne, nous allons leur donner la parole jusqu'à jeudi pour qu'ils nous présentent leur blog ou les sites d'histoire qu'ils promeuvent sur les réseaux sociaux et en particulier sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire. Ce matin, après le 26e épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, nous nous proposons une balade dans la bibliothèque interuniversitaire de santé de Paris, régulièrement promue dans le groupe par David Benoît. Puis nous dialoguerons avec Jean-Pierre Martin, il est gériatre à l'hôpital de Sarlat et concepteur de Clistère, e-revue mensuelle illustrée sur l'histoire de la santé et des instruments médicaux. Et enfin, Pierrick Hervé nous parlera du site Plateforme 1418 qu'il co-anime et qui, à partir d'une riche correspondance familiale, celle des Rézal, raconte au jour le jour la Grande Guerre. Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver le 26e épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, préparé par Anaïs Quin, sur le traité de Bruxelles en 1948 avec l'historienne Jenny Raflick. We must remember that Australia, New Zealand and Canada are directly meant by this evil power. President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb. I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy. La fabrique de la guerre froide. Trois ans après la fin de la guerre, l'isolationnisme américain et l'échec de l'organisation d'une force armée des Nations Unies brisent le rêve d'une sécurité internationale assurée collectivement par le concert des nations. En 1948, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg en prennent acte et s'allient pour assurer leur défense régionale commune dans le cadre du traité de Bruxelles. Se défendre, mais contre qui ? Jenny Raflick. Le projet de charte des Nations Unies interdisait les alliances régionales de sécurité collective. Il ne devait y avoir qu'une organisation mondiale, pas d'organisation régionale. Pendant la conférence de San Francisco, ce sont les Français, c'est Joseph Paul Boncour qui défend cette idée d'une alliance régionale. Alors, les Français sont très intéressés, ils veulent sauvegarder le pacte franco-soviétique qu'ils ont signé en 1944, et puis ils aimeraient bien conclure des alliances similaires avec les Britanniques, les Européens, le Benelux. Pour s'assurer une sécurité immédiate contre l'Allemagne, qui reste un voisin potentiellement dangereux. Contre l'Allemagne. Et les Américains sont ceux qui sont hostiles à ce projet d'alliance régionale. Et puis, ils finissent par accepter de façon un peu tempérée, c'est-à-dire qu'ils acceptent dans la Charte des Nations Unies l'existence de ces alliances tant que l'Organisation des Nations Unies ne sera pas capable d'assurer seule la sécurité mondiale. Donc, ces alliances régionales sont conçues comme temporaires. De fait, on sait très bien ce qui va devenir. Ces alliances régionales, on va les retrouver, ça sera l'OTAN et le pacte de Varsovie pendant la guerre froide. Mais au départ, les Américains sont les premiers hostiles à ce type de procédé parce qu'ils veulent surtout pas, par le biais de ces alliances, se retrouver entraînés dans une nouvelle guerre. Le jeu des alliances ayant entraîné pour eux les deux guerres mondiales, ils veulent surtout pas prendre le risque de se laisser entraîner dans une nouvelle guerre. Allô Paris, ici Bruxelles. La cérémonie qui va solennellement se dérouler dans quelques instants marque un nouveau pas fait en avant dans la réalisation de la coopération européenne. Avant-hier et hier, nous assistions au Quai d'Orsay à Paris aux séances plénières marquant l'ouverture de la seconde conférence des 16. Et aujourd'hui, à Bruxelles, dans quelques instants, sera signé un pacte entre la Grande-Bretagne, la France et les trois pays du Benelux, Belgique, Hollande, Luxembourg. Ce pacte va être signé dans la grande salle du Palais des Académies, à quelques centaines de mètres du Palais Royal, car aucune salle n'était assez vaste au ministère des Affaires étrangères pour une telle cérémonie. Sur une estrade, tapissée de velours rouge, ont déjà pris place les membres des différentes délégations. Au premier rang de ces délégations sont assis les 5 ministres des Affaires étrangères, et chaque ministre est assisté de son représentant officiel, c'est-à-dire de son ambassadeur en Belgique, sauf bien sûr M. Spaak, qui lui est assisté de son ministre des Finances. À gauche de l'estrade, une table de marqueterie style Louis XV, où tour à tour, les ministres apposeront dans quelques instants leur signature. Le 13 mars 1948, les Européens ont signé le traité de Bruxelles. Qu'est-ce que c'est que le traité de Bruxelles ? L'Union de l'Europe occidentale, qui est la première organisation de défense européenne entre la Grande-Bretagne, la France et les trois du Benelux. Première expérience d'un état-major intégré, d'une armée intégrée, c'est la première Europe de la défense. C'est aussi la première organisation européenne. C'est par la défense que l'Europe commence à se construire. Évidemment, dans le contexte du début de guerre froide, c'est pas anodin, même si le traité de Bruxelles est bien tourné officiellement contre l'Allemagne. Dans les plans, concrètement, les deux officiers généraux qui incarnent le traité de Bruxelles, Delattre pour la France, Montgomery pour la Grande-Bretagne, évidemment ce sont deux officiers de premier plan, travaillent tout de suite sur des plans qui prévoient une agression soviétique. Mais une agression soviétique alliée à l'Allemagne, donc on reste quand même dans l'idée d'une menace allemande, mais une conjonction de la menace allemande et soviétique. Et puis il s'annonce, et c'est l'esprit dans lequel le conçoivent Georges Bidault et Ernest Bevin, il s'annonce comme la première étape de mise en défense de l'Europe et comme un pas pour prouver aux Américains que les Européens sont prêts à se défendre en cas de menace, en cas d'agression, et qu'on n'attendra pas gentiment que les Américains viennent au secours de l'Europe. Mais c'est aussi, c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce traité de Bruxelles, c'est aussi dans l'esprit de Paul-Henri Spaak, par contre, une amorce de la construction européenne. Et Spaak va y glisser des petites choses en matière de culture, d'économie, il y a des mesures sociales. Donc c'est vraiment un traité qui a, on peut lui donner tous les sens. C'est un traité de la guerre froide, c'est un traité de la construction européenne, c'est l'Europe de la défense, c'est vraiment un traité multiforme. Chacun y met ce qu'il veut y mettre à l'époque. Ça traduit bien aussi cette période très mal définie dans le vécu des contemporains. Ils savent pas très bien vers quoi ils vont et finalement ce traité comporte tout parce qu'on peut aller vers tout. C'est tous les espoirs, toutes les attentes qui sont aussi réunies dedans. Et toutes les peurs aussi. Et toutes les peurs. Voilà pour ce 26e épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, préparé par Anaïs Quien et Anne Fleury. Vous pouvez bien évidemment, comme tous les autres épisodes de ce feuilleton, le télécharger séparément de l'émission du jour et le garder avec vous. Bonjour Séverine Yatin. Bonjour. Vous m'accompagnez ce matin pour cette première émission consacrée aux auditeurs, donc ces auditeurs qui ont posté et qui postent depuis des années des commentaires, mais également des propositions de sujets, des sujets de blog, des lieux dans lesquels il faudrait se rendre, ces auditeurs à qui nous voulons rendre hommage cette semaine. Et on va commencer toujours, comme pendant toute la semaine, par un reportage dans un de ces lieux proposé par les auditeurs. Et là, il s'agit de... Il s'agit de la bibliothèque interuniversitaire de médecine de Paris 5. Mm-hmm. Parce qu'on a décidé un peu de thématiser, mm-hmm. en tous les cas aujourd'hui, mm-hmm. c'est sur la question de la santé, de la médecine... Oui, en liaison avec ce que nous avons fait la semaine dernière, d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, donc je suis allée faire une petite visite rue de l'école de médecine, cette bibliothèque à l'ancienne, enfin, du type de la Sorbonne, en fait, qui a un fond assez fabuleux, qui concerne à la fois toutes les revues de médecine, toutes les thèses de la plus ancienne à nos jours de médecine, et des collections d'ouvrages anciens qui sont pour certains numérisés, justement, pour qu'il puisse y avoir un accès plus large, évidemment, de cette documentation. Et ça, c'est tout le travail. Donc, j'ai fait cette visite avec Jean-François Vincent, qui est responsable du service historique de la bibliothèque, et puis David Benoît, qui s'occupe... plutôt en priorité justement qui est webmaster d'une certaine manière du site. De la popularisation sur le net de l'existence de cette bibliothèque. C'est d'ailleurs comme cela qu'il nous l'a fait connaître par l'intermédiaire du groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire. Nous sommes à la bibliothèque interuniversitaire de santé qui se situe 12 rue de l'école de médecine puisque c'est la bibliothèque de l'école de médecine. Avec vous, Jean-François Vincent, vous êtes responsable du service historique de cette bibliothèque. Et puis vous, David Benoît, vous êtes conservateur à la bibliothèque et responsable, en fait, des contenus du site web de cette bibliothèque, très active. Nous allons en parler avec vous. Alors, Jean-François Vincent, de quand date cette bibliothèque magnifique, hein, toutes de boiserie, des petits luminaires verts, des tables individuelles pour travailler, des fichiers en bois. Oui, alors on est dans une longue histoire, effectivement, puisque les origines de la faculté de médecine remontent à l'université médiévale, et les origines du fonds le plus ancien remontent à un don de 1733. C'est ce don de 1733 qui est le début véritable de notre institution comme bibliothèque publique jusqu'à la Révolution. Il était fermé par la Révolution, puis rouverte en 1794 sous le nom d'école de santé. Et puis surtout, l'école de santé a été pourvue d'un bibliothécaire du nom de Pierre Sue, qui a été autorisé à aller puiser dans les dépôts littéraires constitués par la Révolution. Il a considérablement enrichi le fonds, et c'est ça ce qui constitue le noyau de la partie médecine de notre bibliothèque. Donc cette partie médecine a vécu sa vie pendant tout le 19e siècle et a été pendant une longue période la grande bibliothèque du monde en matière de médecine, et elle reste la grande bibliothèque de France en matière de médecine. Qui a accès à cette bibliothèque? Combien de volumes? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Je vous demande à vous, Jean-François Vincent, mais à David Benoît aussi. On a environ 16 000 inscrits qui viennent physiquement à la bibliothèque dans notre grande salle pour consulter des documents. Alors c'est un public très varié. C'est un public aussi très contemporain, hein. Les personnes qui viennent en salle, il y a une certaine partie qui viennent pour les fonds historiques, et puis il y en a quand même beaucoup qui sont des étudiants en médecine, aussi tous les étudiants des autres professions de santé, des professions paramédicales. À partir des certains niveaux, on n'accepte pas les étudiants de première et deuxième année parce qu'on n'a déjà pas suffisamment de place pour les autres. Et puis aussi tout un public de chercheurs, de professionnels de santé en exercice qui ont besoin de consulter la documentation médicale contemporaine pour se tenir un jour de leurs informations. C'est la formation continue des médecins, en fait. Donc on a tout ce public très contemporain qui vient chez nous physiquement en salle. Et puis une partie qui vient consulter les documents anciens dans la réserve. Vous avez par exemple toutes les thèses? Une des collections de notre bibliothèque, on a l'essentiel des thèses qui ont été soutenues en médecine sous l'Ancien Régime depuis 1539. Enfin, c'est la plus ancienne qui a été conservée, ce n'est pas la plus ancienne des thèses. Et nous avons une collection qu'on estime vraiment exhaustive, des thèses soutenues depuis la Révolution. Donc sur les murs de la salle où nous nous trouvons, vous voyez une partie. Toutes les thèses de Paris sont là, on peut estimer qu'il n'en manque pas. Alors, je vous posais aussi cette question, c'était un petit peu intéressé, parce que vous, David Benoît, vous alimentez activement le site de la Fabrique de l'Histoire, qui est une émission d'histoire, et du coup je me pose la question, est-ce que des historiens spécialisés de la santé sont aussi intéressés à venir dans cette bibliothèque, justement pour y trouver, pourquoi pas, des thèses de médecine du XVIe siècle, des planches anatomiques, ce genre de choses, qui peut justement servir à des thèses d'histoire plutôt. D'histoire ou d'autres disciplines relativement voisines dans le domaine des sciences humaines. On a dans nos salles de lecture des philosophes des sciences, des sociologues, des gens qui font de l'histoire pure et dure. Et il faut aussi se représenter, mais que ce ne soit pas forcément facile quand on n'a pas le nez dedans, que des documents produits pour la médecine sont des documents qui parlent de toutes sortes de choses. Les sujets qui sont concernés par le soin et la santé sont des sujets immensément étendus. Ça va de l'ethnologie, quand on pense aux productions des médecins de la marine, par exemple, à l'histoire sociale, quand il s'agit d'hygiène publique ou d'autres sujets de ce genre. Pour un médecin du 18e, il était évident que sa bibliothèque de médecine devait contenir des... Enfin, évident, en tout cas, il concluait après réflexion que sa bibliothèque devait contenir des livres de voyage, devait contenir, parce que ça faisait partie des enseignements de l'histoire naturelle, devait contenir des sciences en général. De la botanique, bien sûr. Ça fait partie de la culture d'un médecin tel qu'il se pensait dans ces années-là, et ça a duré longtemps, tout au long du 19e siècle, même si ça diminue avec le temps et l'inflation documentaire, on a des acquisitions qui sont vastes du point de vue thématique. Je ne veux pas faire croire que c'est une bibliothèque généraliste, mais c'est une bibliothèque qui ne se limite pas à la seule médecine ou à la seule pharmacie. On nous a dit régulièrement que c'était une grande bibliothèque d'histoire des sciences. Alors, David Benoît, vous qui... vous occupez de relayer d'une certaine manière sur le web, voilà, des informations. Alors, c'est énorme, si je puis dire. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on se permet d'intervenir sur les pages de la Fabrique de l'Histoire. C'est qu'en plus de notre public physique, on propose aussi de plus en plus de documents en ligne. On a une grande bibliothèque numérique qu'on appelle Medica. On peut consulter plus de 3,5 millions de pages de documents numérisés du 14e au 20e siècle. On a un certain nombre de sociétés savantes qui sont hébergées par le site de la bibliothèque interuniversitaire. On propose aussi une quinzaine d'expositions virtuelles, donc on fait aussi de la vulgarisation. On a une banque d'images avec plus de 200 000 images issues de nos fonds. Donc on a vraiment toute une gamme de documents qui sont numérisés, mis en ligne et accessibles à tout le monde, du chercheur au grand public. Donc on pourrait aller peut-être dans la réserve, c'est ce que vous suggériez, Jean-François Vincent, oui, peut-être pour regarder un original de ces documents, parmi les documents que vous numérisez, pour les rendre accessibles au plus grand public. On doit pouvoir sortir de vraies choses en papier, oui, on a ça en magasin. Nous allons essayer de vous trouver du papier parmi tous les fichiers numériques que nous produisons. Les rayons, c'est la partie non accessible au public de périodiques. Ce qu'on ne voit pas, c'est par rapport aux quelques collections qui sont en libre accès dans les salles de lecture, on a en coulisses comme ça presque une trentaine de kilomètres de rayonnage sur les étagères. Il y a presque un tiers du pâté de maison, là, des bâtiments qui sont occupés par les magasins de la bibliothèque. Jean-François Vincent, ça y est, nous sommes arrivés après un dédale de couloirs. Nous avons traversé les dépôts, des rayonnages en fait, hein, où il y avait notamment des collections de revues impressionnantes. Et là, nous arrivons donc dans cette fameuse réserve, qui est une petite salle hein, en fait, avec des livres dans les vitrines. Voilà, c'est une petite salle qui a été ouverte en 1962 par nos prédécesseurs. À l'occasion d'un grand remaniement dans la faculté de médecine de Paris qui a libéré des espaces. Donc ces honorables collègues avaient fait un travail dans les années précédentes très important pour redécouvrir la partie ancienne de la collection de cette bibliothèque qui était assez largement tombée dans l'oubli. C'était donc un projet naturel pour eux de compléter ce travail intellectuel par l'ouverture d'une salle. C'est donc la partie émergée de l'iceberg des collections anciennes qu'on a ici, en tout cas du XVIe jusqu'au XIXe siècle. Alors peut-être choisir avec David Benoît peut-être un ouvrage que vous auriez numérisé, justement. On peut évoquer par exemple ce qui est en train de faire l'objet d'une édition sur notre site, qui est ce document absolument essentiel pour l'histoire de l'anatomie, qui est la fabrique de Vésal, le De Humani Corporis Fabrica de Vésal, paru en 1543. C'est un des grands ouvrages qui a inventé l'anatomie moderne. C'est aussi un des grands livres d'images de la bibliographie, en général, avec des centaines de bois gravés. Et des chercheurs avec lesquels nous sommes en relation depuis de longues années ont entrepris ce travail monumental qui consiste à traduire pour la première fois en français ce gros ouvrage. Si vous voulez, je peux vous sortir un volume de Vésal et puis on peut feuilleter côte à côte l'exemplaire numérisé. C'est l'exemplaire de 1543 que je sors. Je vais le disposer sur un support adapté, si vous permettez. Alors Jean-François Vincent, voilà, vous avez pris cet exemplaire de Vésal et vous l'avez installé sur un... Un futon, c'est un petit matelas qui permet de mettre un livre dans une position telle qu'on n'en esquinte ni la reliure, ni trop le contenu en le manipulant. Évidemment, il s'agit en l'occurrence d'un ouvrage très précieux. Il y a des gravures. Voilà, il est bien connu par son magnifique frontispice gravé sur bois qui représente Vésal lui-même en train de réaliser la dissection d'une femme au milieu d'une très vaste assemblée dans un amphithéâtre imaginaire. Donc quand Vésal publie cette fabrique du corps humain en 1543, c'est un tout jeune homme qui a déjà publié quelques ouvrages, mais qui va produire toute son œuvre scientifique, on peut dire, en l'espace de 6 ans, et complètement bouleverser à la fois la connaissance qu'on pouvait avoir du corps humain, et la manière de représenter le corps humain. Il est important parce que il y a, je dirais graphiquement, un avant et un après Vésale qui correspond à une transformation aussi de la connaissance qu'on peut avoir du corps. Ce que je vais vous montrer, ce sont les grandes planches célèbres à laquelle Vésale représente le squelette, des planches qui ont intéressé Baudelaire, qui reparle dans le squelette laboureur. Le squelette laboureur, c'est lui, c'est cette figure où pour la première fois dans l'histoire, on représente un squelette tel que nous, aujourd'hui, nous le représentons. L'invention du corps figuré comme ceci, c'est ici que ça se passe. Ce sont donc des corps morts, mais vivants en même temps. Celui-ci, le squelette dit méditant, étant accoudé sur une stèle, la main sur un crâne, et il pense à son... à l'état dans lequel il se trouve, évidemment. Donc, cet ouvrage très important dans l'histoire de la médecine, de l'anatomie et dans l'histoire des sciences, ne faisait jusqu'à maintenant l'objet d'aucune traduction en français. Les gens qui s'intéressaient à l'histoire de l'anatomie jusqu'à la génération qui est celle de maintenant le lisaient ou ne le lisaient pas, mais en latin. Bon. Ce qu'ont essayé de faire nos chercheurs, Jacqueline Vons et Stéphane Velut, c'est une traduction qui permette à nous tous d'accéder au texte dans la langue française. Et donc nous avons travaillé avec eux sur la partie technique de mise en ligne de ces documents. C'est une des formes de travail autour de notre collection qui valorise le travail qui est fait dans nos salles ou qui valorise les documents eux-mêmes que nous avons sous notre garde. Donc la bibliothèque numérique que nous produisons, qui s'appelle Medica, est un projet d'une quinzaine d'années dans lequel on trouve aujourd'hui de l'ordre de 15 000 documents en texte intégral. Alors vous, David Benoît, alors votre fonction, elle intervient ici dans ce domaine, par exemple, diffuser cette information, par exemple, dire voilà, la bibliothèque Université de Santé numérise et fait traduire un ouvrage fondamental. C'est ça, c'est de mettre en valeur tout ce qui est fait à la bibliothèque, que ce soit dans le domaine de l'histoire ou dans le domaine contemporain. Donc pour le service d'histoire, c'est effectivement mettre en valeur toutes ces productions, qui sont des choses souvent inédites, qu'on ne trouve pas ailleurs, qui sont faites avec les plus grands spécialistes de chaque domaine, pas seulement en France. Une grande partie du public, maintenant qu'on a la bibliothèque, est en fait un public virtuel. Je vous ai dit au départ qu'on avait 16 000 personnes physiques qui étaient inscrites à la bibliothèque et qui venaient consulter des ouvrages dans la grande salle. Si on regarde le site web, on a plus de 130 000 visiteurs réguliers. Donc c'est 10 fois le public physique de la bibliothèque qui va se rendre sur le site web de la bibliothèque. Et une grande partie de ces internautes vont justement s'intéresser à ces collections historiques qui vont être utiles pour des chercheurs français, mais aussi des chercheurs étrangers. On a un grand public de chercheurs étrangers qui va venir consulter ces pages de contenu historique, ces éditions critiques, les expositions virtuelles qu'on met en avant. Donc c'est tout un pan aussi invisible de la bibliothèque, parce que tous les contenus qu'on vous présente sur le site web de la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé sont des choses qui demandent beaucoup de travail, qui se basent sur des documents précieux, parfois inédits. Et donc l'idée, c'est que le maximum de monde en profite, de rentabiliser au maximum tous ces efforts qui sont mis sur les documents comme ça uniques à la bibliothèque. Utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., c'est des choses qui nous semblent indispensables aujourd'hui pour toucher le plus grand nombre de publics. Les chercheurs en histoire ont déjà leur réseau constitué, ils s'échangent leurs informations par des biais plus classiques. Et puis, il y a aussi des jeunes chercheurs qui ont des nouvelles habitudes de travail, de communication sur les réseaux. Et puis, ça fait aussi partie du travail de vulgarisation, justement, parce que tous ces documents historiques peuvent aussi intéresser des gens qui ne sont pas spécialistes. Donc c'est vraiment de rendre toute cette connaissance accessible au plus grand nombre. Et d'internationaliser aussi, j'imagine, cette connaissance. Oui, de toute façon, il y a un côté aussi tout naturel. David disait, c'est pour les jeunes chercheurs. Je veux dire, moi je suis moins jeune que ça. Pour moi, le web, c'est le lieu où on se documente. Je sais que j'ai plaisir à manipuler les documents qui sont dans notre fonds ancien, mais je passe une large partie de mon temps devant mon écran, et c'est là que les choses se passent, pour une large part. Il faut que les chercheurs n'oublient pas qu'ils doivent venir se salir les mains sur nos collections parce qu'ils y apprendront des choses qui ne sont pas en ligne. Mais il est évident que pour beaucoup de recherches aujourd'hui, c'est en ligne que ça se passe. Si une bibliothèque n'a aucune présence sur les réseaux, elle manque une large part de son public. Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'une partie des ressources que nous offrons, les gens ne s'attendent pas à les trouver chez nous. Un autre exemple d'édition récente pourrait vous le montrer. On a travaillé avec un chercheur qui s'appelle Loïc Capron, qui a réalisé au fil d'une quinzaine d'années de travail une édition complète de la correspondance d'un médecin parisien dont vous voyez le portrait au-dessus de la vitrine ici, avec son nez pointu, Guy Patin, d'un médecin du XVIIe siècle, dont la correspondance est très intéressante parce que elle documente un ensemble très varié d'éléments de son siècle, que ce soit la vie parisienne pendant la Fronde, la vie du monde du livre dans la période où il a vécu, ou évidemment la partie médicale de l'existence dans ce XVIIe siècle qui était le sien. Effectivement, la correspondance de Guy Patin, ce sont des lettres qui parlent forcément de l'histoire de la médecine au XVIIe siècle, mais aussi toute l'histoire politique, sociale de cette période. Donc c'est des choses qu'on ne viendrait pas forcément chercher dans une bibliothèque de médecine comme la nôtre. On a donc, avec ce travail, mis en ligne des ressources qui intéressent très au-delà de la médecine tous ceux qui peuvent s'intéresser au XVIIe siècle. Ça ne va pas de soi. Les réseaux peuvent nous permettre de rendre ça plus visible, de porter ça à la connaissance d'un nombre de personnes intéressées plus important. Merci à tous les deux. Merci, merci à vous. You treat me wrong in the summer, same way in the fall. You done me wrong one day, baby, now that's all. Come on and take your medicine, be just like you give it to me. I'm gonna give you your medicine, woman, just like you give it to me. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. La prise de son à la Bibliothèque interuniversitaire de médecine de Paris était assurée par Éric Audrat, le mixage par Alain Joubert, la réalisation par Séverine Cassard. Nous sommes avec vous, Séverine Yattard, dans cette émission donc consacrée aux auditeurs, et nous avons décidé de centrer les préoccupations de ce lundi autour de la question médicale, de la question de santé. On vient de visiter cette Bibliothèque interuniversitaire de santé avec vous, et nous avons en ligne un autre spécialiste de médecine. Il est gériatre à l'hôpital de Sarlat, il s'appelle Jean-Pierre Martin, et vous êtes concepteur, Jean-Pierre Martin, bonjour. Bonjour. D'un site, une e-revue mensuelle, donc, dont vous faites de temps en temps la promotion sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire, une e-revue mensuelle, donc, qui s'appelle Clistère, et qui a pour propos l'histoire de la santé et l'histoire des instruments médicaux. Cette revue en ligne a donc 5 ans à peu près maintenant, et vous l'animez avec tout un petit groupe de chercheurs, d'historiens de la médecine. C'est quoi cette idée de créer cette revue en ligne, et pourquoi l'avoir mise en ligne justement pour la faire connaître par le plus grand nombre? Alors, Clistère est né en fait d'un besoin d'espace de publication de mes travaux personnels. Je les présentais régulièrement aux revues classiques, mais qui sont elles-mêmes très sollicitées, qui pouvaient donc pas m'offrir plus d'une parution d'un ou deux articles par an. Donc, je me suis dit que c'était dommage de laisser tous ces travaux dans des placards. Donc, l'idée est venue de créer une revue en ligne et de façon à la diffuser le plus largement possible. Alors effectivement, c'est une histoire qui a commencé il y a 5 ans, avec essentiellement des travaux que j'avais écrits, et progressivement sont arrivés de nouveaux auteurs qui eux aussi cherchaient des espaces de publication pour leurs travaux. Et de fil en aiguille, on est passé des premiers exemplaires qui faisaient 3 à 4 pages à des numéros qui dépassent maintenant régulièrement les 50, voire 60 pages. Mmh. Et Jean-Pierre Martin, justement, ce collectif de contributeurs, d'une certaine manière, voilà, vous vous êtes trouvés les uns les autres, au point d'ailleurs de maintenant aussi, parmi vos abonnés, vous avez les musées français d'histoire de la médecine, enfin, il y a une sorte d'institutionnalisation de cette revue, de cette e-revue sur... Alors, si vous voulez, Clister était, enfin, à la base, c'était un esprit très open. Je voulais que tout le monde puisse venir écrire dans Clister, parler des problématiques, et c'est comme ça que sont arrivés effectivement des conservateurs de musées qui ont sollicité Clister pour relayer, par exemple, des pétitions à la recherche de fonds pour sauver tel ou tel musée. Il faut dire que je crois on a appris aujourd'hui la fermeture, on a appris hier la fermeture le 25 mars prochain, par exemple, du musée du Puy-Train à Paris, qui était un grand musée de médecine. Voilà, effectivement, du Puy-Train va fermer, ce qui est tout à fait dommageable. On a également le musée des Hospices Civils de Lyon qui est fermé. Les collections sont dans des caisses ou dans des draps. On ne sait pas trop qui va farfouiller là-dedans. Donc, il y aura sûrement de la perte de patrimoine. Il y a le musée de l'assistance publique hôpitaux de Paris qui est également mis sous clé pour l'instant. Et il y a tout un pan de notre patrimoine médical qui est en train de disparaître dans un silence assourdissant. Et Clister peut se faire l'écho de ce genre de problématiques, tout en sachant que la sauvegarde de ces musées nécessite des fonds importants et que c'est pas Clister qui va les amener, mais ça peut amener certaines personnes à se pencher sur ce genre de drame, en fait, culturel. Alors, c'est une revue qui est particulièrement axée sur la question, pas simplement, puisque vous y traitez de toute question d'histoire de la santé, mais au départ, des instruments médicaux, c'est une revue très spécialisée, pourrait-on dire, au tout départ. Vous arrivez à toucher, par l'intermédiaire du net, un public plus large que celui des historiens de la médecine, des spécialistes de la médecine, ou des collectionneurs, pourrait-on dire, d'instruments médicaux, parce qu'il y en a. Alors, si vous voulez, au début, moi, je me suis intéressé effectivement à l'histoire de la gériatrie, puis progressivement, j'ai glissé, mes pôles d'intérêt se sont déplacés vers l'histoire des instruments pour la bonne et simple raison que ce sont des sujets qui sont quasiment jamais abordés dans les revues d'histoire de la médecine classique. Et j'avais déjà des relations avec des collectionneurs qui ont trouvé l'idée intéressante. Et donc, les premiers numéros de Clister, effectivement, ne traitent quasiment que d'instruments. Alors, ça m'a permis de rencontrer des gens comme Xavier Rio, qui est le directeur de la collection La médecine à travers les siècles chez l'Harmattan. Et ça a débouché sur plusieurs projets de livres qui ont abouti. Les livres ont été publiés sur des sujets effectivement très pointus. Alors, effectivement, Clister a une diffusion qui reste toutefois limitée, parce que, comme vous le dites, c'est une niche. On n'intéresse pas grand monde, il y a quelques passionnés. Actuellement, Clister, c'est à peu près 300 abonnés qui reçoivent, donc qui sont informés tous les mois de l'apparition des nouveaux numéros. Mais au-delà, Clister est lu de façon beaucoup plus large dans le monde entier. Quasiment tous les pays du monde sont représentés. Ça va du Japon à la Russie, en passant par les États-Unis, des pays d'Afrique, enfin des pays européens, etc. Et on se rend compte qu'il y a quand même tout un tas de gens qui étaient dans leur coin, qui avaient des choses à dire et qui maintenant peuvent les exprimer au travers de Clister. Alors par exemple, Jean-Pierre Martin, par hasard, au hasard, Clister numéro 4, novembre 2011. Alors, par exemple, vous, il y a deux articles, notamment le radiateur photothermique du docteur Miramont de La Roquette. Et puis, vous avez écrit l'article l'uréomètre de Régnard. Et là, bon, il y a une description, évidemment, de l'objet avec d'anciens schémas, j'imagine que des figures plutôt, du 19e siècle, des photos, des explications du fonctionnement. Alors, c'est toute cette recherche, voilà, auquel vous donnez accès à qui veut s'intéresse à cette science. Voilà, alors c'est vrai que ce sont souvent des objets qu'on trouve dans les brocantes ou sur des sites d'enchères, et on s'amuse à en retracer l'histoire, parce qu'en fait, l'intérêt d'avoir un objet, c'est bien, ça décore, mais après, c'est bien de savoir qui a créé cet objet, à quoi ça servait. Donc il y a tout un tas de recherches qui sont faites là-dessus. On utilise évidemment le site de la BU Santé, qui nous offre des ressources numériques incroyables, avec notamment des vieux catalogues d'instruments. Donc à partir de là, on essaie de retracer l'histoire de ces instruments, qui ont bien souvent souvent été oubliés. Et on se rend compte qu'ils ont évolué pour aboutir aux instruments modernes qui rendent exactement le même service que eux rendaient il y a 150 ans. Alors, ce qui est intéressant dans votre projet, qui est, on a compris, d'abord un projet personnel qui s'est élargi avec d'autres collègues à vous et d'autres historiens de la médecine et des instruments médicaux, c'est que progressivement, par l'intermédiaire du net, vous touchez de nouveaux publics, vous internationalisez, vous travaillez désormais avec des lecteurs qui viennent d'un peu partout, on l'a bien compris, mais... Une des préoccupations de tous les gens qui ont des blogs ou qui ont des sites, c'est la conservation de ces blogs et de ces sites qui ne se conservent pas évidemment de la même manière que des revues papier. Vous vous êtes posé cette même question et par l'intermédiaire, je crois, de la BIU Sainte, dont on parlait à l'instant, vous avez trouvé une solution qui est, disons, durable, voire éternelle, dites-vous, en l'occurrence... Jean-Pierre Martin, c'est-à-dire de un hébergement potentiel pour pouvoir garder tous les travaux que vous avez publiés sur Clistère jusqu'à maintenant. Alors en fait, effectivement, la grande question, c'était de se dire que vont devenir tous ces travaux. Ça serait dommage qu'ils se perdent. Donc j'avais sollicité la BIU Santé pour leur demander de bien vouloir héberger sur leur serveur les numéros de Clistère qui étaient parus. Et en fait, ça n'a pas été possible, mais ils n'ont pas lâché le morceau et ils ont travaillé... de façon très efficace avec la BNF qui a décidé de classer Clistère au titre des revues, enfin des sites qui seront conservés au titre de la sauvegarde du patrimoine numérique. Donc ça, c'est effectif depuis le mois de janvier, ce qui veut dire que les robots moissonneurs de la BNF... Les robots moissonneurs, c'est comme ça qu'on appelle ça, ouais. Voilà, ils appellent ça comme ça, je trouve ça très joli, en fait, c'est un côté agricole très sympa. Et donc, ils viennent butiner sur le site, prélever la totalité du site, en fait, et Clistère est donc archivé sur les serveurs de la BNF, et sera accessible au grand public lorsque les limites de droits d'auteur seront passées, c'est-à-dire, je crois, dans 70 ans. Très bien. Donc, on voit bien qu'effectivement, une des préoccupations quand on est sur le net, et c'est ce dont nous allons parler avec nos auditeurs, participants et collecteurs d'informations pendant toute cette semaine dans la Fabrique de l'Histoire qu'on a titré « Vive les auditeurs », c'est justement cette question de comment pouvoir faire en sorte que ces informations, ces travaux soient puissent perdurer au-delà de quelques années. Et c'est très important. Merci Jean-Pierre Martin. Je crois que vous devez gagner l'hôpital de Sarlat où vous êtes gériatre. Merci de nous avoir accordé cette interview et nous continuons avec vous, nous continuons avec un nouvel invité dans deux minutes autour de cette question de la santé en particulier. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Et Séverine Yatard, pour cette émission un peu particulière, d'une semaine un peu particulière de la Fabrique de l'Histoire, nous avons saisi l'occasion de ces milliers, dizaines de milliers de posts que vous avez pu faire sur à la fois le réseau Twitter, mais également le réseau Facebook, donc dans le groupe des auditeurs de la Fabrique de l'Histoire, pour pouvoir saisir le travail que vous menez en tant qu'auditeur, en tant qu'historien amateur ou professionnel, et que vous voulez faire connaître par l'intermédiaire du net et de notre groupe Facebook. Et nous avons maintenant Pierrick Hervé. Bonjour Pierrick Hervé. Bonjour Emmanuel, bonjour Séverine. Vous êtes avec nous depuis des studios qui vous accueillent au Mans, les studios de Radio France, et nous les remercions de vous accueillir. Vous êtes vous-même historien, professeur d'histoire dans une Hippocagne, donc en l'occurrence à Nantes, et vous participez avec d'autres à la conception d'un site historique très intéressant, très original, qui s'appelle Plateforme 1418. Vous pouvez nous le décrire, ce site dont vous faites de temps en temps la promotion sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Alors, c'est une plateforme qui présente au public l'ensemble d'un corpus de courriers, de photographies, complété par des images animées qui nous ont été données par le CPAD. Ce corpus, c'est le corpus d'une famille, la famille Rézal, qui nous met un peu à la marge. R-E-S-A-L. Et voilà, la famille Rézal, qui nous met un peu à la marge du thème de la journée sur la santé. Mais après tout, nous pourrions entrer dans ce corpus à travers deux des membres de cette famille qui échangent beaucoup donc pendant la Grande Guerre, puisque l'une des filles, Chérifa, est infirmière, puisque l'un des oncles, Jean, surnommé Boulot, est médecin et qu'il participe à la Grande Guerre sur le front d'Orient à partir de 1915. Donc c'est une famille qui appartient à ce qu'on appellerait au XIXe siècle, ce qu'on aurait appelé au XIXe siècle la bourgeoisie des talents. Ils sont issus d'un milieu intellectuel qui passe par les grandes écoles. Le père est ingénieur des ponts et chaussées. Les enfants sont passés, pour les garçons, l'un par l'école de Grignon, un autre par l'école polytechnique. Il y a licencié en droit, licencié en lettres. Et puis pour les deux filles, donc une jeune fille infirmière et l'aînée est professeur de piano. Et alors, entre la France et la Tunisie, c'est ça Alors, entre la France et la Tunisie, à la fois oui et non. C'est-à-dire, pour ce qui nous intéresse ici, pour le corpus, ils sont bien en France. Ils sont passés par la Tunisie à un moment donné de la carrière du père, qui a participé à la construction du port de la Goulette. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'ils ont eu leurs quatre premiers enfants, qui portent des noms tunisiens par esprit d'ouverture. Et revenus en France, à Lyon, ils ont les deux derniers enfants, Paul et Louis. Et puis ensuite, le père, et c'est là que nous le trouvons en 1914, à partir de 1900, est responsable de la compagnie des tramways de Bordeaux. Oui, il est passé par Lyon, il est passé par la Tunisie, on l'a bien compris. Et la particularité, pourrait-on dire, de votre site plateforme 14-18, qui est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale, par la mission du centenaire de la guerre de 14-18, c'est justement de rassembler une énorme correspondance entre tous ces membres de cette famille, les enfants, les parents, les neveux, les oncles, etc., etc. Une énorme correspondance, puisque trois ou quatre des enfants vont faire la guerre, un oncle, vous l'avez dit, sur le front de Salonique, sur le front d'Orient, et que effectivement cette occasion donne l'occasion à chacun d'entre eux d'écrire à l'un ou l'autre, et à partir de cette correspondance, vous faites ce site plateforme 14-18, Pierre-Yves Hervé. Alors, l'intérêt du corpus, parce qu'il y a bien évidemment des millions, des milliards de lettres. Catherine Trévisan, les chiffres à 6 milliards de lettres pendant la Première Guerre mondiale, échangées notamment par les soldats. L'intérêt du corpus est justement la multiplicité de ces acteurs, des parents, des enfants, des grands-parents, des oncles, des tantes. Et ces acteurs échangent entre eux. C'est-à-dire que le traditionnel regard entre les courriers front arrière, arrière front pendant la Grande Guerre est ici largement, très très largement agrandi, élargi au fait que les lettres mettent en correspondance également les soldats entre eux. Les quatre enfants font la guerre, l'un décède très tôt, mais les trois autres s'écrivent pendant toute la guerre, et donc il y a des relations front-front. Et puis entre les mères, les filles, entre le père et les filles, et avec les grands-parents également, qui sont à La Ferté-sous-Jouarre, il y a une correspondance arrière-arrière, avec des enjeux qui peuvent être reliés à la guerre, ou des enjeux purement domestiques, qui donnent donc du coup à ce corpus une dimension un petit peu exceptionnelle, puisque effectivement, l'ensemble de la famille vit la guerre, et nous entrons donc dans cette famille par une voie fermée, intimiste un peu, de la famille, mais aussi une voie qui peut être élargie, puisque cette famille, comme je le disais, appartient à un milieu social plutôt aisé, et correspond avec tout un tas de, comment dirais-je, de membres de l'armée française, le général Lanrezac. Il y a des liens aussi familiaux avec des hommes politiques, en l'occurrence Jules Jeanneney. Et donc nous avons, à partir de ce corpus, véritablement la possibilité d'atteindre des thèmes très très très variés, mais qui permettent de construire un regard intelligible sur la Grande Guerre. Et est-ce qu'on a aussi à cette occasion, Pierre-Yves Hervé, alors des échanges aussi de photos, de cartes postales, sur la question plutôt de la représentation, de l'image entre ces différents membres de la famille Rézal? Oui, parce que deux des garçons, enfin le troisième aussi va faire des photographies, deux des garçons qui sont à la guerre sont aviateurs et utilisent donc l'aviation, et utilisent comme des milliers de soldats du reste pendant la Grande Guerre, des appareils photo personnels pour faire des clichés. Et donc échanger entre eux. D'ailleurs, très souvent, les clichés sont développés à l'arrière. L'une des sœurs jouant le rôle assez souvent de porteuse de clichés, Chérifa, porteuse de clichés pour qu'ils soient développés. Et donc, effectivement, la photographie circule. Alors, photographie très intéressante parce que elle ne donne pas énormément d'images, bien évidemment, des combats, mais elle donne beaucoup d'images de ces groupes de soldats, de ces groupes familiaux. Et d'ailleurs, sur la plateforme, notre entrée par la plateforme est une photographie de la famille. Alors, prise certes avant la guerre, la dernière photographie sur laquelle l'ensemble de la famille pose intégralement en 1913. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, effectivement, on peut pénétrer par la biographie de chacun des acteurs, et ils sont nombreux, on l'a compris avec vous, Pierrick Hervé, on peut pénétrer par des thématiques. Il y a d'ailleurs une thématique, donc je crois que c'est Sophie Delaporte qui est professeure d'histoire, sur justement la santé pendant la Grande Guerre, donc des thématiques, des articles de synthèse, pourrait-on dire, par des lieux également, les lieux où sont passés tel ou tel membre de la famille Rézal pendant cette même Grande Guerre, et qu'au bout du compte, on a une sorte de site très foisonnant, ce site plateforme 1418, qui donne la possibilité d'une navigation quasi infinie, jamais la même, des facsimilés de lettres envoyées, des lettres retranscrites et tapées à la machine pour qu'on puisse taper à l'ordinateur, puisqu'on puisse les lire facilement, etc., etc., Patrick, Pierrick Hervé. Oui, alors votre présentation va réjouir l'ensemble de l'équipe parce que c'est effectivement l'objectif. Le ministère de l'Éducation nationale, notre principal soutien, à la fois dans son versant primaire et secondaire, et aussi par l'intermédiaire de Paris, l'Université Sorbonne Nouvelle de Paris 3, avait bien pour objectif de créer cela, c'est-à-dire de faire non pas simplement le recensement de courriers, la présentation de courriers, mais de créer une architecture à vocation donc académique, scientifique, à vocation didactique et pédagogique, de permettre à tous les lecteurs, ils peuvent être membres du grand public, ils peuvent être aussi, et c'est l'objectif du ministère de l'Éducation nationale dans son soutien, bien évidemment enseignants, élèves, étudiants, de pouvoir naviguer dans ces courriers. Il a fallu donc les numériser. Donc nous présentons sur la plateforme à la fois une représentation donc du courrier original qui a été donc donné, et là je le remercie, je ne l'ai pas encore fait, Jacques Rézal, donc qui nous a permis d'avoir accès à cet ensemble de corpus. Et puis ils ont été tapuscrits, ces lettres ont été tapuscrites de façon à ce qu'effectivement le lecteur puisse avoir accès de la façon la plus aisée possible et pouvoir utiliser le courrier. Alors à partir de cette numérisation, nous avons créé une architecture qui nous permet, à partir de trois grands thèmes en fait, hein, les hommes et femmes dans la Grande Guerre, les fronts et le caractère moderne de la guerre, de naviguer à partir de sous-thèmes. Et ces sous-thèmes sont soutenus par des articles qui ont vocation à la fois à contextualiser les courriers, à expliquer et à les mettre en perspective, et puis également à donner un apport scientifique. Et nous avons tenu, et nous avons pour l'instant obtenu d'un certain nombre d'auteurs dont la légitimité sur les sujets qu'ils traitent ne se discute pas. François Stébaud, par exemple, voilà. Sur les femmes pendant la Grande Guerre, etc. Voilà, il y a une diversité d'auteurs, sans souci d'école en particulier, mais une diversité d'auteurs sur des thèmes précis qui nous ont offert leur contribution. Et que l'on peut donc confronter au courrier à la fois pour, je disais, les contextualiser, les enrichir, les mettre en perspective et donc donner une dimension qui va permettre d'avoir pour nous, parce que nous sommes d'abord des enseignants, cette approche qui est à la fois académique et didactique, c'est-à-dire comment transposer à notre travail face aux étudiants ou face aux élèves, comment transposer l'apport ou les apports de la science historique la plus avérée, la plus récente, sans entrer dans des débats trop larges. Mais comment nous transférons donc l'objet archive, le soutien par un discours scientifique et la transformation de tout cela en démarche pédagogique. Séverine Alors, par exemple, Pierrick Hervé, là, puisque notre thématique porte autour de la santé et de la médecine, là, pour revenir sur votre article concernant cette problématique durant la Grande Guerre, vous partez du concept de brutalisation. Et à partir de là, il y a une sorte d'article qui explique la question de la déshumanisation des corps, la manière dont les médecins vont être face à des problématiques du type les blessures au crâne, les différentes lésions, comment on opère, qu'est-ce qu'on peut faire sur le front immédiatement, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aussi sur le front en plein bombardement, par exemple. Oui, alors c'est pas si vous qui l'avez écrit, hein, cet article. Non, mais c'est Sophie Delaporte. Ce n'est pas moi, mais tous les articles sont validés par un comité de rédaction et donc supervisés aussi par l'inspection générale d'histoire qui valide les contenus de la plateforme. Donc effectivement, il y a une mise en relation entre ces apports nouveaux, plus ou moins nouveaux, puisque pour certains d'entre eux, ils ont quand même déjà quelques années, mais qui permet au lecteur, encore une fois, quel que soit son niveau, hein, puisque chacun d'entre nous peut entrer sur la plateforme avec son envie et avec ses besoins, mais qui permet effectivement au lecteur d'avoir une approche la plus scientifique, la plus récente possible et la plus confirmée possible par le savoir scientifique, et de mettre en relation tout cela avec les courriers. Alors, notamment dans le cadre d'enseignement de termes qui sont pour nous très compliqués en fait face aux lycéens et aux collégiens en particulier, peut-être un peu moins avec les étudiants, mais ces termes qui sont entrés dans les programmes et qui n'ont pas toujours été habillés du contenu scientifique nécessaire. Et effectivement, la plateforme a aussi pour objectif de faire cela, c'est-à-dire de donner sens à des termes qui sont devenus communs dans les programmes scolaires. Est-ce que vous pensez que cette entrée par une biographie de famille, pourrait-on dire, est une entrée facilitante qui permet de, en particulier, vous l'avez dit, aux collégiens ou aux lycéens, d'entrer de façon plus incarnée peut-être dans la problématique de la Première Guerre mondiale, Pierre Hervé? Alors pour ma part, oui, avec bien évidemment le défaut d'être un cas, mais c'est la possibilité de passer de cette micro-histoire, et encore ici elle est assez large cette micro-histoire, mais d'une micro-histoire, j'employais le mot d'intimité tout à l'heure, cette micro-histoire à une lecture plus globale de la guerre, à une compréhension plus globale de la guerre. D'échelle. Oui, mais en même temps, avec les limites que j'évoquais tout à l'heure, j'ai bien commencé en disant que cette famille est une famille bourgeoise, elle a un style d'écriture, ils s'écrivent beaucoup, ils savent écrire, elle permet d'atteindre des sentiments qui sont exprimés. Nous savons très bien qu'il y a des formes de refoulement de sentiments dans l'écrit lorsque des populations sont, entre guillemets, moins cultivées. Et ici, nous avons effectivement un courrier un peu spécifique. Mais c'est une voie d'entrée. Et ce qui nous paraît intéressant aussi dans le climat ambiant de ces quelques dernières années, c'est que nous n'entrons pas ici dans l'intimité familiale par le pathos. Il y a des moments clés pour la famille, et notamment la mort de Younes au début de la guerre. Et donc, nous voyons fonctionner le rapport de la famille au deuil, le rapport de la famille au chagrin et à la douleur de la perte, mais en même temps, ces courriers ne sont pas porteurs exclusivement de pathos, et donc ça nous permet d'entrer par des voies extrêmement diverses. Je vous assure que les thématiques sont diverses. Il pourrait même s'écrire une histoire de la météorologie entre 14 et 18 à travers tous les courriers, parce que dans tous les courriers, nous avons une référence au temps qu'il fait, que ce soit au front pour les soldats, pour les enfants, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à la Ferté-sous-Jouarre. On pourrait faire des cartes météo à partir des lettres de la famille Rézal. Merci en tout cas Pierre Hervé de nous avoir présenté avec Merci cet enthousiasme plateforme 14-18, le site que vous co-animez, donc vous êtes nombreux à y travailler. Je rappelle que nous avons parlé dans toute cette émission intitulée Vive les auditeurs, premier volet de la revue mensuelle illustrée e-revue, donc Clistère, par Jean-Pierre Martin, et puis également nous nous sommes promenés dans la bibliothèque interuniversitaire de santé de Paris, un lieu magique pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la santé et de la médecine. Parmi les autres sites que nous voulions valoriser, eh bien, il y a eu sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire de nombreux posts de Michel Collet, un des pionniers de l'histoire de la folie. Il a un site, un groupe, un blog qui s'appelle histoiredelafolie.fr. Demain, nous vous parlerons de l'usage de la vidéo pour populariser l'histoire sur le net avec pas mal d'exemples. Cette émission a été préparée par Marie-Vonne Bollier et Aurélie Marcet. Yanis Djoudad était avec nous à la technique aujourd'hui et Séverine Cassard à la réalisation.